Peaux rouges et peaux blanches. Chapitre 1er, les 12 apôtres. Allons, Judas, verse-moi un verre de whisky, car je me sens altéré en diable. Vous pouvez bien vous servir vous-même, fut-il répondu d'un ton sec. Et si je veux que ce soit toi qui me donne à boire, reprit le mangeux d'homme en fronçant les sourcils. Judas leva dédaigneusement les épaules. Par le Christ, mon frère aîné, ne m'entends-tu pas ? Continua le premier. La gourde est près de vous, riposta Judas. Et ce n'est pas cela que je te demande. L'enfer vous confonde, vous êtes ivre comme un indien. Ivre ? Ose répéter que je suis ivre, vilain Iscariote, hurla l'autre, en assénant sur la table un coup de poing, dont les échos de la salle répercutèrent longuement le son. Oui, vous êtes ivre. Le mangeux d'homme se dressa d'un bond sur les pieds. Ce mouvement ne parut pas causer la moindre impression à Judas, qui tailladait avec son couteau le banc sur lequel il était assis. Pourpre d'alcool et de colère, son interlocuteur arma un revolver. « Si tu ne m'obéis pas, je te casse la tête. »« En campagne, je suis votre lieutenant, toujours prêt à m'en conformer à vos ordres. Mais ici, hors du service, votre égal. »« Mon égal, toi ?»« Voyons, capitaine, pas de bêtises. »« Qu'entends-tu par des bêtises ?»« J'entends qu'il ne faut pas quereller pour des riens, quand nous avons à causer de choses sérieuses. »« Tu voudrais me braver, hein ?»« Du tout, je veux que vous soyez raisonnable. Vous avez bu outre mesure ce matin. »« Tu mens. » À cette insulte, le front de Judas se plissa, un éclair de ressentiment flamboya dans ses yeux. Néanmoins, il demeura maître de lui. Il repartit avec calme. « À votre aise, mais rasseyez-vous et parlons de l'autre projet. »« Et s'il ne me plaît pas de me rasseoir ?» vociféra le mangeux d'homme en frappant de nouveau la table avec son pistolet, mais si violemment que plusieurs des coups dont il était chargé firent explosion et que la crosse se brisa en 20 morceaux. Judas ne put réprimer un éclat de rire, ce qui acheva d'exaspérer son chef. « Ah, brigand, tu te moques de moi » proféra-t-il entre les dents. « Le fait est que vous prêtez à la plaisanterie. »« La plaisanterie, je vais t'en donner des plaisanteries, moi. » En disant ces mots, le mangeux d'homme avait tiré de sa gaine un long coutelas pendu à sa ceinture, et il se précipitait écumant de rage sur son lieutenant. Celui-ci n'aurait pas eu de peine à se défendre contre un homme pris de liqueur et à le désarmer. Mais au même moment, la porte de la salle où se passait cette scène s'ouvrit, pour livrer passage à une dizaine d'individus qui se jetèrent au-devant du capitaine et l'arrêtèrent, malgré ses menaces de mort et la force prodigieuse qu'il déploya dans sa lutte avec eux. Ainsi que Judas, ces gens étaient accoutrés et équipés en aventuriers du Nord-Ouest américain. Ils portaient le casque ou toque en peau de loutre, un capot ou capote de laine blanche, boutonné jusqu'au menton, et serré à la taille par une ceinture multicolore, dite ceinture fléchée, parce que les bouts qui flottaient sur leurs côtés étaient coupés en fer de flèche. Des mitasses ou guêtres en cuir de caribou, ornées de longues franges et de verroteries appelées rassades, des mocassins ou chaussures en peau molle, semblablement agrémentées. À leur ceinture étaient passés un couteau, une hachette, une paire de pistolets. Quelques-uns avaient à la main une carabine, de fabrication grossière, mais dont la crosse était décorée de clous à tête de cuivre, figurant des dessins bizarres, des initiales, et le canon chamarré de plumes brillantes, de rubans aux vives couleurs. La plupart étaient robustes, taillés en Hercule. Tous étaient marqués au coin de l'audace. Tous inspiraient l'effroi ou l'aversion, car les vicissitudes d'une existence coupable et turbulente avaient stigmatisé leur physionomie d'un cachet indélébile. Ils avaient nom. Pierre, André, Jean, Philippe, Jacques le Majeur, Barthélemy, Thomas, Matthieu, Thaddée, Jacques le Mineur, Paul, et finalement Judas, se briquetisait l'écorché, l'alter ego de ce mangeux d'homme qui, par un incroyable blasphème, se faisait appeler Jésus. Son surnom, l'écorché, le méritait de point en point. 7 pieds de haut, droit comme un if, efflanqué, maigre, plus qu'un phtisique au 3e degré, il n'avait que la peau sur les os. Mais sous cette peau tendue comme celle d'un tambour, les os faisaient saillie partout. Et quoique long, fuselé, aussi grêle que ceux d'un loup après un hiver rigoureux, ils jouaient avec tant d'aisance sur leur charnière anguleuse qu'on devinait aisément que l'ensemble constituait une charpente solide, comme le bronze, élastique comme l'acier. De vrai, l'écorché avait la souplesse et la vigueur d'un ressort. Chose étrange cependant, avec l'apparence d'un tempérament fiévreux, excitable au possible, il était généralement froid, d'une irritante impassibilité. Son costume différait peu de celui des autres aventuriers. Seulement la nuance du capot, plus foncé, tirait sur le gris de fer. À son casque, on remarquait une cocarde verte, symbole de son grade, et sans doute aussi en souvenir de l'Irlande où il avait reçu la naissance, suivant son expression. Judas était le lieutenant de Jésus, le mangeur d'hommes, commandant des 12 apôtres, ainsi s'intitulait fièrement la bande dont nous venons d'esquisser le tableau. Ce titre, elle l'avait emprunté au lieu même qui lui servait de repère, les îles des 12 apôtres, situées dans le lac supérieur, près de son extrémité occidentale. C'est un archipel, couvert de sombres forêts de pins, du haut des rochers duquel la vue embrasse un horizon immense, et assez rapproché de la terre ferme pour qu'un canot puisse aborder en quelques heures. Sur la plus grande des îles, les Français établirent, il y a bien des années déjà, un poste pour la traite des pelleteries, appelé la Pointe, parce qu'il s'élève au bout même de l'île. Ce poste a conservé son nom, quoiqu'il soit devenu depuis le siècle dernier la propriété des Anglo-Saxons. Une compagnie de commerçants américains le possède aujourd'hui, et y fait des échanges considérables avec les Indiens du voisinage. C'est un lieu de rendez-vous annuel pour l'homme rouge et le trafiquant blanc, un point de départ pour les excursions aux vastes solitudes de l'Amérique septentrionale. Bien défendu, bien organisé maintenant, le poste de la Pointe n'avait, en 1836, que quelques employés, facteurs, commis, trappeurs et engagés pour la protéger contre la haine des Indiens et l'avidité des rôdeurs du désert, hors de pillarde, composés de l'écume de la société civilisée et de la lie des races sauvages ou métisses, mais qui sans cesse errent sur la frontière, dans le but de détrousser les chasseurs isolés et de ravager les établissements des colons assez téméraires pour affronter leur rapacité. Malgré le petit nombre de ses habitants, le poste de la Pointe était cependant grassement approvisionné. On disait que ces magasins renfermaient des fourrures pour plus de 20 000 $, des articles de pacotille pour une somme égale et des liqueurs en abondance. Ce bruit parvint jusqu'à un chef de bandits qui désolait les rives du lac supérieur. Le mangeur d'hommes résolut de s'emparer de la factorerie et de s'y retrancher comme dans une citadelle. Ce criminel dessein fut bientôt mis à exécution, mais non sans perte pour le brigand, dont la troupe se trouva après le coup fait réduite à 12 hommes. De là l'idée de les baptiser les 12 apôtres, du nom des îles dont ils étaient devenus maîtres. Les 12 apôtres commencèrent par faire bombance, sans s'inquiéter beaucoup de leur sûreté personnelle, car ils savaient que de longtemps on ne se hasarderait pas à les relancer dans leurs repères. Pour varier les plaisirs, ils se livraient à de fréquentes incursions dans le voisinage, ruinaient les habitations des trappeurs, ravissaient les jeunes indiennes et poussaient l'insolence jusqu'à inquiéter les mineurs de la presqu'île Kiwina, où diverses sociétés industrielles avaient déjà entrepris l'extraction du minerai de cuivre sur une grande échelle. Quand les misérables eurent gaspillé leur butin, ce fut pis encore. Ils osèrent s'attaquer aux autres factoreries, comme celle de Fond du Lac, et au printemps de 1831, ils interceptèrent la plupart des convois de pelleteries destinés soit aux compagnies américaines, soit même à celles de la baie d'Hudson, sur territoire britannique. Si grande que fut l'animosité générale contre les 12 apôtres, plus grande était encore la terreur qu'ils inspiraient, leur chef surtout. La légende, active, féconde, dans ces régions sauvages, s'était saisie de lui. Elle en avait fait un être surnaturel, un dieu du mal. Le mangeur d'hommes se trouvait, d'ailleurs, parfaitement à son aise dans l'habit merveilleux dont on l'avait revêtu. D'une taille qui approchait celle de son lieutenant, mais d'une corpulence démesurée, toutefois douée de proportions symétriques et d'un visage qu'on ne pouvait s'empêcher d'admirer, malgré sa grosseur énorme. Nulle ligne dans ses membres qui fût irrégulière, nul trait dans sa figure qui ne fût d'une pureté antique. Si son air était dur, impérieux, le plus souvent il savait l'adoucir, l'empreindre de bienveillance, de tendresse, d'un charme infini, quand il le voulait. Et sa voix, une voix de stentor, qui s'entendait à plus d'un mille, qui portait l'effroi partout où elle retentissait. Cette voix, il la rendait suave, harmonieuse, enchanteresse à ses heures d'amour. Elle émouvait les hommes, elle énivrait les femmes. Une chose pourtant détonnait dans l'aspect de cet être superbe, ce roi des mondes de l'humanité, son costume. Costume rouge, qui lui prêtait les dehors d'un bourreau. Toque, plume, tunique de chasse, ceinture, culotte, bottes, tout était rouge, rouge comme le sang. Ce qu'on racontait de lui, de ses prouesses, je dépenserais un volume à le redire. Deux mots empruntés au rapport des trappeurs suffiront pour donner une idée de ce qu'il valait à leurs yeux. D'un coup de poing, il avait assommé un bison. Il suivait un cheval à la course, logeait à 200 mètres de distance une balle dans l'œil d'un daim, et à 1 mille d'intervalle, son oreille pouvait discerner sur la prairie le pas d'un homme de celui d'une femme. Nous sommes loin de nous porter garant pour ces récits et nombre d'autres plus extraordinaires, dont le mange d'homme était alors le héros. Mais tel on le représentait, et tel nous ne pouvions nous empêcher de le montrer. Par le Christ, mon frère aîné, je vous égorgerai tous comme des chevreaux, tas de racailles que vous êtes, s'écria-t-il lorsque ces gens l'eurent à grand-peine terrassé et désarmé. Assurément, répondit l'écorché d'un ton paisible, mais quand nous aurons fait une prise que je sais. Toi, je te défends de parler. Et cependant, je parlerai, capitaine, car j'avais de bonnes nouvelles à vous annoncer. Tais-toi, fit le mangeur d'hommes, roulant autour de lui des regards furieux. Si je me taisais, vous seriez bien attrapé. Le capitaine s'était relevé, toujours tenu par ces hommes qui cherchaient à le calmer. D'abord, poursuivit son lieutenant, j'étais entré dans votre chambre pour vous dire qu'on attend, à la pointe de Kiyuina, un navire, avec une lourde cargaison expédiée aux mineurs. Et c'est pour cela que tu m'as manqué de respect ? J'en laisse juge nos compagnons. Un article du règlement des apôtres porte... Je me moque des articles du règlement. Porte, répéta flegmatiquement l'écorché, que tous nous vous devons respect et soumission dans les affaires du service. C'est vrai, dirent les bandits. Mais, continua Judas, cet article ajoute que, hors du service, nous jouissons des mêmes droits que vous. C'est encore vrai, appuyèrent les auditeurs. Or, ajouta le lieutenant, vous m'avez ordonné de vous verser à boire. J'ai refusé, c'était mon droit. Oui, oui. Lâchez-moi, commanda le mangeur d'hommes. À une condition. Laquelle ? Vous m'écouterez jusqu'à la fin. On t'écoutera, fils de... Pas d'injure. Bien, va, fit le capitaine en s'asseyant les bras croisés sur le bord de la table. Je disais donc, reprit l'écorché, qu'en nous pressant un peu, nous ferons une capture magnifique, qui remontera à notre garde à manger, notre cave, et nous procurera encore de tes idées folles. Vous verrez, le navire attendu à la pointe Kiyuina vient pour ravitailler les gens des mines. Tu l'as déjà dit, grebela le mangeur d'hommes, mais le moyen de s'en emparer. Le moyen, il n'est pas difficile. Nous ne sommes que 13, ils sont 200 aux mines. Sans cela, depuis longtemps, je serais maître des trésors. Suivez mes avis, capitaine, et ils seront à nous avant un mois. Tu es un beau diseur, et un bon faiseur quand je m'y mets. Toi, fit le chef avec un geste de mépris. L'écorché ne parut pas faire attention à ce mouvement. Vous saurez, dit-il, qu'ils sont peu nombreux à bord du navire. Une quinzaine seulement. Nous n'en ferons pas de bouchées. D'où tiens-tu ces renseignements ? Je les tiens de Jacques le Mineur, qui arrive de Sault-Sainte-Marie, où il a vu appareiller le bâtiment. Ah, ah, fit le capitaine en se tournant vers l'homme que son lieutenant venait de désigner. Oui, affirma celui-ci, j'étais allé d'après vos ordres au Sault-Sainte-Marie pour chercher les lettres de New York. Je sais, passe. Et j'ai remarqué qu'on a frété un beau bateau pour Kiyuina. Mais il est peut-être déjà arrivé à sa destination. Du tout. Il devait mettre à la voile 8 jours après mon départ. En es-tu sûr ? Comme de raison, capitaine. J'ai pris là-dessus toutes mes informations. C'est qu'il y a loin d'ici, Kiyuina. 2 fois 48 heures de navigation au plus, fit l'écorché. Et notez que nous commençons à jeûner. Le cellier se vide et les saloirs aussi. Quant à la chasse ou à la pêche, nous n'en sommes pas friands. Tout cela est bel et bon, mais comment s'emparer de ce bateau ? Murmura le mangeur d'hommes. En faisant diligence, nous le surprendrons à la faveur de la nuit, dans quelques baies. Il paraît d'ailleurs qu'il a, à son bord, un jeune Français, un ingénieur, qui pourrait joliment nous servir si nous entreprenions l'exploitation des mines. dit le lieutenant avec un sourire d'intelligence à son chef. « Par le Christ, mon frère aîné, j'adopte le projet, » dit ce dernier en se levant. « Mais si tu nous mènes à une déception, maître Judas Iscariote, gare à tes os, j'en ferai des baguettes de tambour. » La boutade du capitaine souleva l'hilarité des assistants. « Je n'ai pas terminé, » reprit l'écorché, sans se fâcher ni partager la gaieté des apôtres. « Qu'est-ce encore ? C'est à vous seul que je dois parler. » « Qu'on sorte d'ici, » fit le capitaine à ses gens. Ils se retirèrent aussitôt par la porte qui leur avait donné accès. « Eh bien, j'ai la nuit dernière enlevé Mene Ouayakon. »« Que dis-tu ? J'ai enlevé Mene Ouayakon. » Le mangeur d'hommes, qui avait frémi en entendant cette déclaration, se prit à trembler. Son visage se colora et pâlit tour à tour. Ses paupières s'humectèrent. Sa respiration devint chaude. Il se rapprocha de son lieutenant et d'une voix altérée. « Tu as enlevé Mene Ouayakon ?»« Oui, près du poste de fond du lac. »« La nuit dernière ?»« La nuit dernière. » Et le capitaine ne put achever sa pensée. Si vive était l'émotion qui le joignait. Mais ses yeux formulèrent éloquemment la question. Judas répondit avec son flègue habituel. « Elle est ici. »« Ici, Mene Ouayakon est ici. » »« Et tu ne me le disais pas plus tôt ?»« Vous ne m'en avez pas laissé le temps. » « Mais en quel coin ?» exclama le mangeur d'hommes, saisissant dans sa puissante main l'épaule de son lieutenant et l'étreignant à la lui briser. « Je vais vous la montrer, » répliqua l'écorché avec une lenteur désespérante.